Sam. Bonjour à toi, cher auditeur de la marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruel jusqu'à 4 heures. Si c'est la première fois que tu écoutes Critique de Crowd, je te confirme, je critique les foules. Je suis avec toi et je tuache, je patifole, je m'amuse. Ça aurait été vraiment le cas durant le spectacle de Crook Jacks, Bon Vivant et surtout le lancement de Hot Dog Chicane. Ben oui, le groupe Capable a sorti un nouveau EP le mois dernier. C'était le lancement officiel, même s'il n'y avait pas l'album physique. Alors, c'est à suivre puisque en début d'émission. Est-ce que je sors de mes habitudes? Écoute, c'est... Mais Critique de Crowd sera pour une fois pas devant un micro en onde à la radio, mais la semaine prochaine, je serai bel et bien en personne durant la Ligue Rock pour jaser de toi, Crowd, mais aussi jaser de rock et de région. Et pour l'occasion, je vais jaser avec l'animatrice de ce panel, Émilie Rio. Alors, elle est en studio avec nous. Et elle peut même dire coucou! Allô! Yeah, on s'en va jaser ensemble. Mais avant, pour te rendre hommage, puisque tu amènes Achiz, qui est à Québec, groupe de Québec, qui ont fait un album très ville de Québec, Open House Québec, qui reprennent tout plein de groupes à leur saveur. Yes. Alors, on va écouter Les Indiens, mais par BTXU. Some comédiens avec Tomahawk Chopper, mais aux saveurs, aux couleurs et surtout à la musique de Beat Sexu sur leur album de reprise Open House Québec, puisqu'on est avec une Québécoise. Une Québécoise, ouais, faut le dire comme ça. Ben, donc, c'est comme de fait, c'est le terme, mais souvent on peut faire dire fille de Québec. Fille de Québec. Gars de Québec. Exact. Maintenant, je débarque presque tout fraîchement là, de la belle ville de Régis-Labeaume. Je représente Chiz en ce moment sous les ondes de CISM, genre de mise en abîme radiophonique. Mais non, ça, on est comme des amis. On alors, est vraiment des comme amis. Comme des cousins qui se retrouvent. Tout à fait. Donc, je suis pas contente d'être là donc pour jaser un petit peu de rock. Septième édition qui a une nouvelle formule. Ouais, gars, cette année, en fait, les gars qui ont décidé d'intégrer du nouveau monde aussi, ils vont à Terrebonne, c'est une nouvelle place qui visite cette année aussi. Et au Divan Orange, en fait, au lieu d'avoir une tête d'affiche comme c'est le cas ailleurs, donc deux groupes de la relève un petit peu plus puis une tête d'affiche, en début de parcours, il y a un 5 à 7 avec un panel où est-ce qu'on échange sur différents sujets qui concernent le rock, les spectacles. Et justement, hier, il y avait un show au Divan et le sujet était le rock et le milieu des affaires. Donc, ça a jasé fort hier. Ça jasait fort et il y avait un spectacle Fudge. Yes! Et, Atsuko Shiba. Oui, je les aime tellement. Est-ce que tu as une critique de crowd à donner à nos chers auditeurs? Absolument. Moi, là, j'ai bien aimé le monde. Je pense que c'était une crowd, comme je te dis, en dehors des ondes, que je ne connaissais pas. Je connaissais presque personne dans la foule. Donc, j'ai été vraiment à l'exploration de ce nouveau monde-là, qui était ben blood, hein, comme on dit. Pour vrai, très, très réceptif, très rock en avant, un bon public qui n'a pas hésité à slam un peu malgré le fait que c'est assez contemplatif à Atsuko Shiba. On les aime beaucoup, mais c'est plus ou moins le genre de musique dans lequel tu vas t'élancer dans un ouais, pit. Là, en t'sais. Général, il y a comme un électron libre qui décide de s'énerver dans la foule à côté de quelqu'un qui voulait justement le vivre de façon plus introvertie. Mm-hmm. Alors, des moments d'explosion avec Atsuko. Mais je suis heureuse de savoir que la crowd s'énerve dans les spectacles parce que, disons que les deux parties maintenant de l'événement, les rock me fait questionner comme est-ce que les gens qui veulent être s'informer, les professionnels, vont-ils venir avec leur cravate et vont-ils la défaire pour mieux trasher? Absolument. Il n'y a pas beaucoup de cravates dans le milieu du rock. Heureusement. Il y en a quelques-unes, mais je pense que ça se dénoue assez facilement. Puis je pense que c'est quand même deux publics parce qu'il y a comme un 5 à 7 après ça du réseautage. Après ça, le vrai monde, entre guillemets, arrive pour le show. Donc, je pense que c'est deux segments assez distincts, mais ça fait en sorte que ça met la table de belle manière pour le reste de ce qui s'en vient à l'Aigrec. Oui, oui. Et crowd, t'es vraiment la bienvenue mercredi parce que j'aime ça te voir la face. C'est toujours fun de se jaser. Et mais justement, à se voir mercredi, t'as-tu des petits cues, là, des questions que tu vas nous poser mercredi prochain sur le rock en région? Oui, on va parler de région, toi. Ben oui. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose en région qui se passe avec le rock qui est différent de la relation qu'on a en ville. Donc, c'est sûr qu'on va aborder un peu cette question-là. Pourquoi est-ce que c'est différent ailleurs? Est-ce qu'il y a une communauté qui est plus fidèle, peut-être, à son rock? Déjà, dans ta critique, tu disais que t'étais surprise de reconnaître personne. Ouais. Est-ce que ça sous-entend qu'à Québec, tu connais toujours les gens de la crowd? Pas mal, toujours les mêmes faces, effectivement. La même crowd, un peu toujours, qui revient avec quelques changements de temps à autre. Mais ça reste quand même une gang assez crinquée, assez fidèle. Je pense que les organisateurs de shows en région, faut qu'ils soient encore plus crinqués que ceux de la ville parce qu'il faut qu'ils amènent leur monde de manière récurrente puis que ça soit vraiment des gens qui soient fidèles au poste. Puis moi, je viens de région aussi. Je viens vraiment du Bas-Saint-Laurent, donc de plus loin encore que Québec. Et là aussi, j'ai remarqué qu'il y avait une belle fidélité pour le rock. Fait que c'est sûr qu'on aborde la question. On va jaser avec Fred Michon aussi qui est là pour Saint-Hyacinthe, la Grille Rock, tout ce qu'il a organisé aussi comme show. Puis Pierre Fortin qui est le gars du lac finalement qui va être là puis qui a fait beaucoup de tournées à travers le Québec. Fait qu'il a vu beaucoup les régions dans différentes formules. Je pense qu'on va avoir gros à se jaser là-dessus justement. Puis toi aussi, t'en as vu d'autres. Hein? Fait qu'on va être capable de faire des comparatifs. Oui, je réalise en ce moment à quel point c'est trois angles qui font le spectacle. L'organisateur, le musicien et le spectateur. Tout à fait. Fait que non, mais personnellement, j'étais très heureuse qu'on me demande de jaser de crowd parce que oui, c'est un de mes sujets préférés. Mais Trois-Rivières, je t'ai laissé il y a si longtemps. Oui, ça fait depuis 2010 que je n'habite plus à Trois-Rivières. Je la regarde de loin. Oui, ça peut m'arriver d'aller voir des spectacles là-bas, mais j'ai l'impression que je continue toujours à l'observer, sa scène culturelle, mais de loin. Mm-hmm. Tandis que Montréal, ben oui, je vais voir avoir des spectacles à chaque semaine. Puis quand même sur des genres musicaux variés, même si oui, ma tangente est toujours le rock. Et ça m'a amené à la constatation, mais Montréal, c'est aussi une région, je veux dire, géographiquement, on peut pas réfuter, mais il y a toujours ce... Oui, j'ai envie de dire malaise, mais c'est parce que des fois, c'est le rapport qu'on peut avoir avec une façon très égocentrique d'observer Montréal. En tant que fille de Québec, comment vis-tu ça, toi? Ben, c'est vraiment ça. On a vraiment un peu l'impression des fois que c'est Montréal versus the world, qu'on compare un peu toujours la scène montréalaise musicale, qui est super foisonnante, tout genre musical confondu. À Québec, on a un peu le même genre de truc, mais on a plus de misère à le faire valoir puis à se démarquer. Fait que j'ai l'impression qu'il y a souvent des comparaisons qui se font à défaut, en fait, entre les scènes musicales de toutes les régions confondues, pas juste Québec. Là, c'est facile, Québec-Montréal, de commencer à se faire le ping-pong, mais ailleurs, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, dans le bas du fleuve, en Abitibi, au lac, il y a tout le temps des scènes musicales vraiment tripantes parce que les gens qui sont plus éloignés, on dirait, prennent plus le temps d'envie et prennent donc plus le temps de faire de la musique. Il y a des belles scènes qui se développent. Et des fois, je pense qu'on le regarde peut-être pas assez, cette scène-là, donc qui est alternative, qui est autour, qui va peut-être finir par rebondir à Montréal à un moment donné, mais qui, pour l'instant, c'est déjà autour. On dirait que ça amène encore l'aspect centripète et centrifuge. Oui, effectivement. Mais en même temps, de dire, ah, tu sais, pour qu'ils puissent avoir le rayonnement possible, leur groupe, faut qu'ils habitent à Montréal, ça reste un peu décevant parce que ça prouve le manque d'infrastructures qu'il y a à l'extérieur. Est-ce que c'est encore vrai? Ça, je pense qu'on va se poser la question, justement, mercredi. Est-ce que c'est nécessaire de sortir de la région pour pouvoir faire une vraie carrière ou est-ce qu'on peut rester en région puis vivre de sa musique? Ça, c'est la grande question que je pense qu'il va falloir se poser mercredi. Alors là, tu poses des questions dans des questions parce qu'est-ce qu'on peut vivre de sa musique? Est-ce qu'on peut vivre c'est notre de affaire. Son... Mais j'ai eu l'occasion, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai jasé à beaucoup de monde parce que je voulais pas juste y aller de mes expériences. Et quand on dit de vivre de sa musique en région, j'ai tout de suite en tête Horloge Simard qui amène tellement de crowd dans tous leurs spectacles. Et avoir jasé avec Andy, leur clavieriste, qui est agréable aussi à entendre, c'est qu'en plus d'amener beaucoup de gens dans leur spectacle, c'est que l'ambiance est toujours au rendez-vous, quelle que soit la ville. Fait que, dans ma question, est-ce qu'il y a une région qui pogne plus que l'autre ou qui est plus sur le party que l'autre? Bien, j'ai l'impression que non. Et ça me rassure, parce que ça, je peux pas tant l'expérimenter. C'est vrai que je parte en tournée de critique de crowd. ça dépend des bands, ça dépend. Tu sais, il y en a qui sont toujours des valeurs sûres. Ils savent qu'ils vont aller dans telle ville, qu'ils vont être accueillis comme des rois, puis que ça va lever. Je pense qu'il y a des villes qui ont des chouchous un petit peu, là. Tu sais, je veux dire. Moi, j'en parlais avec, tu sais, mon oncle Serge, Pépé, sa guitare. Tu sais, c'est des gars qui ont beaucoup fait de tournées en solo, tu sais, avec leur guit ou en différentes formules. Et que je sais que si je vais dans tel bar, dans telle ville, c'est comme son petit nid d'amour. Et là, je sais que vraiment, ça va pogner. Et qu'on est sûr d'avoir la crowd qui est fidèle, en fait. Hein, je parlais de fidélité au début. Là, je pense que la gang qui est là, qui est fidèle au poste, elle a ses chouchous, elle a ses coups de cœur. Puis des fois, il y a des valeurs sûres, de même, dépendamment de la ville. Donc, évidemment, quand on joue à la maison, comme les gars du lac, tu sais, qui vont jouer au lac Saint-Jean, c'est certain que c'est différent quand ça joue à Montréal. Ouais, mais fidélité égale aussi, pour l'exemple de mon oncle Serge, c'est de beaucoup tourner Pépé aussi. Mm-hmm. C'est de tourner constamment pour pouvoir garder sa crowd. Tout à fait. Penses-tu que ça a un impact, ceux qui ne tournent pas beaucoup à travers la province, parce que ça demande de l'argent au final? C'est quand même une question qui est difficile à répondre, parce que la distribution de la musique se fait un peu différemment. C'est en train vraiment de changer ces paramètres-là, on le sait, là, avec tout le streaming et tout ça. Et donc, il y a des gens qui peuvent des voix pogner des trips sur un artiste en région et à jamais le voir en spectacle. Donc, la fois qu'il va venir en spectacle, c'est certain que ça va être un événement. Il y a aussi l'idée de tourner beaucoup, donc de peut-être brûler son public à la longue. Donc, il faut trouver le juste milieu là-dedans, je crois, pour chaque artiste, finalement, entre aller visiter souvent son public, mais tellement souvent que finalement, ça devient un peu moins spécial. Brûler sa crowd, ça fait bien satanique tout ça. Pis... Tout à fait. Tu vois le lien que j'ai fait, mon inconscient a parlé fort parce qu'on s'en va écouter Satan de Fudge, puisque tu es allé les voir hier durant la Ligue Rock au Divan Orange. Je connais sa tâche. Sur les ondes de CISM avec la chanson Satan qui se retrouve sur leur album Men! Men avec des beaux points d'exclamation. Et on est toujours avec Émilie qui est descendue de Québec pour nous jaser, qui va revenir aussi la semaine prochaine pour rejaser à l'Allegro. Cette fois-ci devant un public et des micros accessoirement, mais on va être avec d'autres beaux mondes aussi autour de cette table ronde-là que j'ai mentionnée tantôt, Fred, donc de la grille rock de Saint-Hyacinthe, puis le beau Pierre Fortin qui va nous jaser de ça aussi. Oui, et vu que t'es là, je trouve que c'est l'occasion de jaser de la crowd de Québec. Yes. Le chanteur de Saccage, quand j'avais fait la critique de crowd, m'avait réécrit. Il était comme « Faut trop que tu viennes à Québec, tu vas voir le monde sont malade! » Et j'ai vraiment pas accompli mon devoir de critique de crowd. J'ai pas eu le temps, c'est vrai. C'est vrai. Fait que tu es mes yeux, mes oreilles. Ah, inquiète-toi pas, je fais très bien cette job. C'est comment Québec comme crowd? Ben écoute, t'as sûrement déjà entendu parler, ou peut-être pas, de Québec, ville du rock. On dit toujours que Québec, c'est une ville du rock, mais c'est un peu péjoratif parce qu'on dit toujours Québec, c'est des fans de Metallica. Hein? Ouais, tu vois, la première phrase, je ne l'avais pas, mais dire que vous êtes fan de Metallica, ça, j'avais. Ça, c'est le beau préjugé qu'il y a envers Québec. En même temps, c'est vrai partiellement, mais il y a aussi une vraiment cool scène underground qui est axée, tu sais, oui, un peu sur le rock. Il y a bien de l'électro qui commence à s'immiscer là-dedans. Il y a un mélange des styles qui est vraiment le fun à voir aller. Et on a vraiment une scène super effervescente, des nouveaux bands super jeunes qui se lance dans le défi de dire « OK, je suis à Québec, puis je développe ça, puis je lance mon projet, puis ça va pogner. » Il y a dans les cégeps aussi des jeunes qui commencent à se monter des bandes, à faire des shows professionnels. Fait que moi, je vois ça vraiment émerger. C'est en train de pousser et d'aller loin en ce moment. Je pense qu'on est dans un point tournant dans la ville de Québec pour la scène rock et la scène de tous les autres genres musicaux. Essayez ça, mais on entend beaucoup parler du Panto. Moi, la toute première fois que j'en entendais parler, c'était en 2015. Puis depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté. Ben ouais. Et les bands qui sortent de là, c'est comment l'atmosphère dans un show au Pantoum? Parce que c'est plus qu'une salle de spectacle. Ouais. C'est le locaux de pratique. Il y a quelqu'un qui est là. C'est un clé en main, en fait. Tu vois, demain, il y a le lancement de Victime, bon band de Québec aussi, qui fait dans le rock, et Ponctuation qui lance leur album aussi demain là. Donc, je vais donc me replonger dans le Pantoum encore une fois. C'est une ambiance qui n'est pas comme les autres parce que tu rentres là, c'est BYOB, t'amènes ta propre consommation. Ils sont à la limite du légal en plus. Donc, c'est un petit peu comme un bar clandestin. Moi, je sais que le propriétaire était juste comme ben correct avec la situation. Il n'y a pas de problème. On rentre là, on est comme en famille, je te dirais, parce que oui, il y a un peu la famille Pantoum qui est là, qui nous accueille, qui est une gang de bénévoles. Les musiciens qui pratiquent dans les locaux du Pantoum, ils vont voir les shows aussi qu'il y a là-bas. Donc, nécessairement, on sent vraiment qu'on est là. C'est une belle communauté, vraiment, le Pantoum. Puis, à cause de ça, c'est facile de voir bourgeonner des nouveaux bands puis des collaborations entre des gens qui se rencontrent au Pantoum. C'est vraiment l'espèce de lieu où tout converge. Et on les remercie vraiment d'exister et de faire ça à la sueur de leur front à longueur d'année. Ils sont une très petite équipe, hein, et ils s'autogèrent, ils font toute la gang avec Jean-Michel, Le Temps de Veilleux, Jean-Étienne, Colin Marcoux, Émilie Tremblay, Vincent Cossette. Ils sont 4-5 vraiment qui pilotent ça. Et c'est une étiquette de disque maintenant aussi, en plus d'être l'endroit où ils habitent. Fait que c'est comme une espèce de commune, c'est une espèce de salle de spectacle, locaux de pratique, studio d'enregistrement. Et c'est pas plus communautaire, je pense, que le Pantoum à Québec. Et s'il venait à disparaître, il nous resterait pas grand-chose, parce que tu as peut-être entendu parler qu'à Québec, au mois de décembre, il y a une espèce de météorite qui est tombée sur la basse ville, puis on a perdu le cercle, en fait. Oui, qui a fermé, et ça a eu aussi un impact sur la Ligue Rock, puisqu'ils organisaient leur spectacle là-bas. Ça a été transféré à Lanty en une seule soirée, finalement. Ouais, exact. Bien, ça a comme fait mal, moi, je te dirais, parce que j'aime bien recevoir la Ligue Rock à Québec comme si c'était chez moi, mais de la recevoir trois fois. Tu sais, ils passent trois semaines, trois samedis d'affilée. Et là, finalement, c'était difficile, c'était compliqué pour Seb Colin de se revirer de bord rapidement. Donc, il s'est dit, on va tout ramasser ça, on va faire vraiment beaucoup de shows, mais ça va être à Lanty. Et il y a un 5 à 7 qui va avoir lieu au Knockout, au disquaire, en fait, qui est pas loin de là, qui est un super disquaire indépendant. Je les salue d'ailleurs, qui font une très belle job. Donc, ça va être un petit peu de ramasser tout ça à cause de la fermeture du cercle. Et vraiment, ça nous... Lanty, c'est vraiment cool. D'ailleurs, c'est un beau bar où est-ce qu'il y a beaucoup de rock. C'est un peu la maison du rock à Québec. Oui, j'avais l'impression que c'était même une tangente plus punk, puis punk, hardcore, metal. Yes. Fait que c'est le fun aussi d'avoir ça comme une espèce de lieu bien gardé là, pour ce genre-là et ces crowds-là. Mais le cercle, quand même, pour la diversité, pour l'audace dont ils faisaient preuve pour leur sélection musicale, ça fait très mal de le perdre. D'autant plus qu'aujourd'hui, même, on a appris que ça allait être remplacé par un shaker. Mais qu'est-ce qu'un shaker? C'est un restaurant où on sert des tartares et des cocktails. Et donc, ça change diamétralement beaucoup donc la dynamique. Ceci étant dit, c'est la partie restaurant du cercle, puisque le cercle était un complexe, c'est la partie restaurant qui va être un shaker et le sort de la salle de spectacle n'est pas encore joué. Mais j'ai envie de te dire, on peut s'attendre au pire. La ville de Québec est un peu sur la nerf. Tu vois, c'est mon positivisme. Je me dis, ah, mais non, ça veut dire qu'il y a de quoi de bon qui s'annonce. De la façon que c'était annoncé, je comprenais que tout l'emplacement était pris par le shaker. Alors, il y a plein de potentiel. Tout à fait. Bon, on croise les doigts, hein, parce que ça nous rend tous très nerveux, la scène culturelle musicale de Québec, pour vrai. C'est important qu'on garde une salle de cette jauge-là pour présenter les spectacles. Pour vrai, 90 % des bandes qui passaient à Québec, donc de manière locale ou internationale, se ramassaient au cercle. C'était convaincu qu'ils allaient être là et que le monde allait être là. Moi, je sortais au cercle trois fois semaine, facilement, à chaque semaine. Fait que le barman, il disait comme d'habitude. Exactement. J'avais même plus besoin de commander, plus besoin de m'identifier à la porte. Donc, ça s'en dit beaucoup sur mes habitudes de vie. Mais sinon, autrement... c'est surtout que il y a d'autres mondes comme moi pour qui c'était vraiment le lieu de rassemblement, un peu comme le Pantoum finalement, mais un petit peu plus grand public et qui peut accueillir de plus grandes foules aussi au cercle. Et là, on ne sait plus vraiment vers qui ou quoi se retourner pour ce genre de grandeur de salle-là. Il nous en manque en ce moment. Là, on a un trou à combler et on se demande si on va réussir à ravoir des bons spectacles de qualité dans ce local-là avec un directeur musical qui a une tête sur ses épaules et surtout des bonnes oreilles puis qui va programmer dans le sens du monde des trucs qu'on aime. Puis du local aussi, en fait. C'est important qu'on n'ait pas juste, parce qu'en ce moment, ce qui se miroite, c'est une petite grenouille. J'en avais pas déjà une? On a déjà beaucoup trop. Mais c'est la vie. On a une à Sainte-Foy, une à Lévis. Mais bref, moi, je prie tous les saints, en fait, pour que ça puisse rester une vocation qui va nous amener encore des bons shows. Bien, si les petites grenouilles amenaient des auteurs, compositeurs, interprètes qu'on pourrait diffuser, moi, à chaque fois, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de leur show à petites grenouilles. J'ai l'impression qu'il y a un aspect un peu plus amateur aussi. Ouais, c'est des chansonniers. dans... Ben, ça pourrait toujours repasser sur nos ondes. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a comme une marge qui est très tracée là, entre... Ouais, entre l'underground et la petite grenouille. Ouais, non, ça le fait faut vraiment quand ça pas. Part. C'est ça, c'est vraiment, ça n'a aucun lien. Donc, mais la scène de Québec va survivre quand même. Elle est là, elle est résiliente. On va juste s'arranger autrement, j'ai l'impression, et créer des nouveaux lieux, un petit peu sur le, encore une fois, là, sur la ligne de la légalité, j'imagine. À un moment donné, peut-être qu'on va décider d'ouvrir une nouvelle salle de spectacle. Il y a tout à faire encore, j'ai l'impression. Et à l'instar, justement, du Divan Orange qui va fermer ses portes à la fin du mois, ça nous attriste tous. Et toutes, va falloir se revirer de bord d'une manière ou d'une autre. Je pense que la scène rock est bonne là-dedans. Se revirer de bord sur un 10 scène, puis s'habituer à toutes les situations, puis foncer malgré tout. Là, je pense que c'est une des très grandes qualités de la scène musicale locale émergente. C'est de se dire, nous autres, on veut y aller, fait qu'on fonce dans le tas. Et j'espère que c'est ça qui va arriver ultimement. Moi, mon gros problème, je sais pas c'était quoi le permis de salle du cercle, mais... Je sais pas, mais on en a parlé, puis disons, il y a pas eu tant d'avancées, je sais pas, pétition, gouvernement, qu'on en jase davantage. Non, il y en a eu une pétition, si je me trompe pas. Mais je veux dire, c'est des salles de spectacle, mais qui ont des permis de débit de boissons. Puis je trouve ça... je trouve que c'est une question sociale à se demander. Mm-hmm. Comment et pourquoi c'est nos foies qui payent la culture? Tout à fait. Fait que moi, j'avoue que j'essaie de rester sobre en spectacle, sinon je serais pas capable de prendre de notes. mais oui, je le sais que ça a un impact d'acheter de la bière parce que ça aide les salles, ça aide les bennes, mais ça devrait pas être le cas. Genre, mes choix de santé ont pas de lien avec le fait que je vais encourager et surtout, je veux consommer la musique qui passe à Montréal ou qui passe à Québec. Et moi, je trouve que c'est une question qui est pas assez soulevée. Mais ça fait penser, est-ce qu'on parle de santé, la santé, le rock, est-ce que le rock va bien? Est-il en forme à ton avis? À mon avis, il est très en forme. Il y a eu un creux, il y a pas longtemps. J'ai l'impression, là, il y a eu un petit creux au milieu des années 2000, là, disons, au tournant de 2010-2011. Après qu'on ait dit que Montréal était le nouveau Seattle puis que ça s'est un peu estompé. Ouais, genre, ouais, il y a eu un buzz et là, finalement, t'es comme, oh, wow, Montréal, plaque tournante. Mais finalement, regarde, c'est des vagues, évidemment, c'est des bands qui sont centre-influence. Fait qu'il y a eu un petit creux et là, on est en train de remonter, je pense, puis d'être sur le top de la vague pour le rock. Et je pense qu'on a une diversité qui est cool. On n'est pas juste dans un style, on n'est pas juste dans des bands qui sonnent toutes pareilles. Oui, évidemment, il y en aura toujours, mais ça, c'est la vie. Mais je pense ouais, que... Oui, ça va par courant. Ben oui, c'est ça. C'est chose certaine. Mais il y a vraiment beaucoup d'influences. C'est un beau kaléidoscope, en fait. J'ai de la misère à pouvoir mettre une étiquette sur le style musical que les nouveaux groupes font. Et ça, ce n'est que des bonnes nouvelles parce que ça me dit, OK, yo's, ça leur tente d'aller plus loin que ce qui a déjà été fait avant eux autres. Et ça, c'est encore à suivre. Je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose. Puis que le rock, oui, est en santé. Je pense qu'il va péter le feu vraiment bientôt. On est au début de quelque chose. C'est à suivre. Et je trouve c'est drôle parce qu'ils vont être soi-même de notre panel à l'Allégro mercredi prochain. Je crois que Zouz est vraiment un de ceux qui vont faire exploser le rock au Québec. Yes. Québec, la province, parce que je trouve qu'ils ont un son, oui, qui se démarque, mais aussi qui a déjà une influence sur tout l'entourage, finalement, des musiciens qu'il y a. On voit qu'il y a quelque chose qui foisonne. Des fois, il faut que ça... Voilà. Il faut que ça pétille, il faut que ça explose. Il faut que ça pète le feu, ultimement, puis que ça nous pète d'en face en tant que crowd de rock. Yeah! Fait que c'est pour ça qu'on va en écouter du Zouz avec plus lourd! Parce que on aime ça, notre rock lourd. En tout cas, critique de crowd en met souvent du lourd sur les ondes de CISM. On va continuer comme ça. Et je te remercie beaucoup, Émilie, de ton merci, passage. Jolande. Alors, on peut encore répéter Divan Orange, bien du plaisir, puis amenez vos faces de crowd mercredi prochain. Mercredi le 7 au Divan Orange. Yeah, fait qu'on s'en va écouter Zouz sur les ondes de CISM. We'll be right back. Crowd sur les ondes de CISM. Et oui, vous avez entendu Zouz, plus de critiques de Crowd. Oh oui, parce qu'on va faire celle de Crew Jack, bon vivant et capable, après les publicités. À tout de suite. Attention, attention, mon nom est MC Gilles et je sévis sur la grosse radio. Oh que oui! Dès vendredi prochain, entre 7h et 9h, je serai dans ton tympan, dans tes oreilles, dans ta grosse radio! Saint-Denis, CISM 89.3 pour le meilleur du terroir, le meilleur de la musique méconnue et peut-être même tes chansons en me rejoignant au mcgilles.com. Donc vendredi, on se jase ça! On veut jouer de la musique fort! Oh que oui! Le palmarès de CISM, 60 minutes d'aventure au milieu des meilleures chansons du moment. Nos animateurs et animatrices débroussaillent toutes les nouveautés pour vous présenter seulement la crème de la crème. Du lundi au vendredi à 18h, au 89.5. Les babayes, c'est jamais le fun. Mais comme dirait l'autre, faut tirer le meilleur du pays. Alors, dans cette super optique, CISM a décidé d'organiser un super événement pour dire au revoir à notre cher Divan Rouge. Dans le cadre de la série Last Call, CISM vous offre Tendre et Zen Bambou en formule 5 à 7 le vendredi 2 mars. Venez vous trémousser sur ces merveilleuses musiques en notre compagnie. Les consommations seront même offertes au premier arrivé. Merci bien simplement Altru. CISM, Zen Bambou, Tendre et le Divan Orange. C'est bien de l'amour que tu ne veux pas manquer le 2 mars prochain. Bye là! Vous écoutez CISM 89.3 FM. Sur les ondes de CISM. La chanson L'Initié se retrouve sur l'album Ignorance, Chaos, Suicide. Ben oui, du barf, c'est toujours agréable d'en entendre. Et c'est... je dirais parce que c'est quand l'occasion que tu as, Crowd, de voir le chanteur de barf et des membres d'Anonymous aller au théâtre. Ben je te dirais que ça aurait été mon cas et bien une chance d'aller voir Jean-Di au théâtre d'aujourd'hui, une pièce de théâtre d'Olivier Chouanière. Je sais qu'Olivier Courtois qui anime le Cubicule, vous en a déjà parlé la semaine dernière, mais bien à suivre, une critique de crowd de métal et de théâtre. Autant dire, beaucoup, beaucoup de bonheur. Et surtout, toi, crowd, tu as l'occasion de voir la pièce jusqu'au 17 mars. Ben ouais, t'écoutes critique de crowd. Et oui, j'ai plein de suggestions de spectacles à te faire. On est bien choyés. Ce soir, Random Recipe au Club Soda. Sinon, au bar Ritz PDB. Ils sont nouvellement dans le palmarès anglo, Fridge. Alors, va les voir. Et en première partie, il y a Lemon Grab. Et aussi, il y a un karaoké pour souligner les 18 ans de Lesco. Alors, allons fêter sa majorité et aussi le fait qu'elle aille très, très bien pendant qu'on parlait de tristement des salles qui ferment. Vendredi, ben oui, là, je me suis auto-écouté les pubs, tu sais. Fait que oui, je te le resuggère parce que c'est important que tu viennes, crowd. À nos bye-bye avec Zen Bambou et Tande au divan orange. Ne soyons pas tristes, fêtons, amusons-nous et surtout retrouvons-nous au divan pour une des dernières fois. Et vendredi, si tout d'un coup t'as le cœur métalleux, je t'ai fait une critique de crowd de DVD au début de la saison, puis je t'ai parlé de Sabaton, puis de leur costume de scène un peu épouvantable, là, de guerrier avec un chest de métal et des souliers avec des orteils. Alors, j'aimerais vraiment beaucoup ça que quelqu'un aille voir le spectacle et me confirme s'il porte ou non des souliers avec des orteils. Parce que oui, ça me titille beaucoup la curiosité. Samedi, Tone va jouer avec Charu et Electric Junk à la Casa del Popolo. Et si vous êtes toujours... pré-nostalgique du divan, profite-en au maximum à la place et va à la série Last Call, voir Automélodie. Dimanche, c'est Ezra Furman qui va être au Ritz PDB. Et encore une fois, à la série Last Call du divan, c'est Lisa Leblanc. Si c'est pas déjà sold out, arrange-toi pour avoir des billets. Lundi, Undercover Dream Lovers, j'adore le nom. Et vas-y gaiement, c'est Alesco. Mardi Out va jouer au théâtre Fairmount. Et finalement, mercredi, oui, je le sais que tu seras à la Ligue Rock, mais peut-être que par la suite de ta soirée, après Zeus et après Lubic au divan, peut-être auras-tu envie d'aller voir Toon Hjorts à l'Astral. Sur ça, on va continuer avec les chansons du palmarès franco de CISM. Simon Kingsbury est en 18e position, tandis que Maud Audet est en 24e. Par la faute du nombre, j'ai I'm vois derrière mes yeux, je me trouve dans les tiens. Sur nos peaux qui se craquent, brille-nous lendemain. Et même si tout se brise, que l'hiver se retient, on chasse les hantises, on fraye les matins. J'adore cette chanson de Maud Audet, « Nos lèvres retournées ». Elle vient juste d'arriver dans le palmarès francophone de CISM. Et oui, vous avez déjà entendu d'autres de ses chansons qui se retrouvent sur l'album « Comme une odeur de déclin ». Et vous avez aussi entendu une nouvelle chanson qui va paraître sur prochainement son album « Plaza ». Simon Kingsbury, la chanson « Tuer la bête ». Pour toutes chansons du palmarès franco, CISM893.ca, l'application est mille et une façons de découvrir cette musique, dont les internets, c'est bien pratique pour ça. Sinon, t'écoutes toujours Critique de Crowd. Peut-être sur ta bonne vieille radio. Ça aussi, c'est bien, bien efficace. Et oui, j'arrête pas de te le dire, Crowd, que je veux, oui, que tu viennes mercredi, mais j'ai envie d'avoir ton opinion sur les régions parce que je le sais, Crowd, que t'écoutes Critique de Crowd sur ta vieille radio de char parce que t'es sur la route. Fait que je suis certaine que tu vas voir des spectacles un peu partout, vu que tu peux te déplacer. Toi, moi, ce qui me limite toujours, c'est c'est les transports! Véritablement, oui, oui, dès que la STM s'arrête, je suis fichue complètement. Mais j'avais envie de courtement te partager peut-être mes réflexions sur la région, parce que peut-être que j'ai un problème de préposition, là, c'est rock en région, et moi j'étais comme rock et région dans ma tête. Et j'étais quand même parfois surprise de me questionner sur la notion même d'origine et de région, parce que je viens de Trois-Rivières, j'y retourne plus ou moins souvent. Je sais pas comment je peux me considérer trifluvienne ou montréalaise, puisque j'y habite depuis assez longtemps, et avoir jasé avec des organisateurs, des musiciens. Des fois, j'ai eu le commentaire « Ah oui, mais Trois-Rivières, vous êtes bien montréalais, là, tu sais, votre scène culturelle et tout. » Et j'ai trouvé que les frontières étaient parfois très poreuses sur comment on peut se considérer soi-même d'une origine ou d'une autre, mais aussi comment on peut qualifier certains sons d'une ville et que ça pouvait s'étendre d'une ville à une autre sans que ça ait de lien. Je trouvais ça quand même particulier. Et je trouvais surtout que c'était très thématique avec Capable, le groupe que je fais la critique de Crowd cette semaine, puisqu'ils se disent aux racines abitibiennes, mais ça fait un bout de temps qu'ils habitent à Montréal. Et je me demandais si, est-ce qu'il faut que ça ait un impact direct sur ta production artistique, tes origines, ou que ce soit concrètement, ça pourrait toujours être de façon plus implicite, mais que ça ait une influence quand même sur la façon que tu vas créer ta musique, tes origines. Tu sais, que ce soit le sujet, quoi. Je m'en pose encore des questions. C'est un sujet où il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Je pense qu'on peut... Ah! Je crois qu'on s'en sort pas, là, le sentiment d'appartenance. Tu peux pas le réfuter. Ça fait juste être en toi. Mais voilà, je suis quand même curieuse. Et surtout, je suis bien heureuse. C'est la première fois que je les voyais en spectacle capable. Et c'est la première fois aussi que j'allais à la Crowbar. Crowbar, bar de punk sur Crescent. Il y avait bien du punk, et comme la chanson de mon oncle Serge avec Anonymous parle « Je puis pas, je sens le punk », oh! Oui, ma critique de Crowd aura un aspect olfactif, mais peut-être qu'il y a aussi cette différence-là entre les différentes scènes, les différents sons qu'on a au Québec. Peut-être est-ce encore une question de ruralité et d'urbanité? Mais en tout cas, c'est ce que soulève, entre autres, la chanson de mon oncle Serge avec « Je puis pas, je sens le punk » sur les ondes de CISM. Ouais, j'aime pas ça, les punks! Centre-ville plein de rats, c'est l'eau qui traîne en marche sur toutes les lois, surtout celle de l'hygiène. On les voit errer comme des revenants dans les stations de métro, puis les terrains vacants. À mes choses, souvent j'en vois paraître avec leur crainte de bien-être à tête. Ils se ramassent en avant, puis ils poussent tout le monde. Ils parlent papillon, personne et la ronde. Les équipes leur dit elle pense que ce soit le gang. C'est donc à moi, à Grétorque, je veux pas chal blanc. Et marche à l'pong. Connaissez-vous mes dés? Il reste à deux villes. C'est un punk des champs, pas un punk des villes. Un jour il revenait de cueillir cette herbe suspecte qui lui fait redouter la sûreté du Québec. Évidemment mes dés n'avait pas pris de douche, et tout autour de lui voltaient des mouches. Je lui ai fait remarquer avec un max de tact de son odeur fait le cœur en tabarnak. Alors en mon calice il m'a répondu: arrête ton docteur que je pue. Je peux pas sans le punk. Je peux pas sans le punk. Je peux pas sans le punk. Je peux pas sans le punk. Check-moi la pochette qui sort des toilettes. J'ai pas cassé qu'à faire ma tabarnak des fêtes. C'est qu'ils prennent les punks. Je sais pas quel ancien du junk. Ils sont crasseux ou français. C'est qu'elle ravage les punks. Ville plein de rats, c'est là qu'ils traînent en marge de toutes les lois, surtout celle de l'hygiène. Check les grouillés, gargouillés, miséreux, avec leur folio d'épices et les villages, j'ai gagné des punks. J'peux voir ça le punk. Oh, j'peux voir ça le punk. Oh, j'peux voir ça le punk. Ouais, j'en passe à les punks. Je crois que mes chansons préférées de mon oncle Serge sont celles qui... Oui, font toujours une critique bien acerbe de sa propre crowd. Et oui, tu écoutes toujours critique de crowd sur les ondes de CISM. Et comme je disais, ben ouais, toute première fois à Crowbar sur Crescent, je suis même partie de la fête à Divan Viril, animateur de CISM qu'on salue puisqu'il anime les lundis C'est nul le matin. Et oui, c'était sa fête. Le beau garçon fêtait ses 18 ans pour une 24e année consécutive. Il est toujours jeune de son cœur, ce beau divan. Et ouais, vrai, j'avais le cœur à la fête, déjà, en m'en allant vers Crescent, qui, je trouve, toujours une espèce de... Ouais, d'aspect, tu sais, en opposition, avant, quand j'allais dans ce coin-là, c'est quoi, c'était pas la rue exacte, là, mais quand j'allais à La Passe, dans le temps que c'était ouvert, avec le musée de littérature, c'était complètement en clash avec Crescent et le bling-bling peut-être autour, les bars, le centre-ville. Mais cette fois-ci, oui, encore une fois, c'est le cas avec l'acrobore et son... ces escaliers, c'est des escaliers de béton, je sais pas pourquoi, ça m'a marqué, je trouvais que ça donnait déjà le ton, d'un tout petit bar pour tous ceux qui sont jamais allés, qui... Comme de fait, comme on va dire, un des groupes qui ont dit on a organisé notre show dans le bar le plus punk de Montréal. Ouais, comme de fait, peut-être que le Fatal serait en plus grande compétition, mais look, tu sais, un peu décrépit, mais tout à fait charmant. Moi, je trouve que ça fait bonne franquette, fait que j'apprécie la chose. Quand je dis un peu décrépit, c'est c'est parce que le plafond est complètement en train de se défaire sous nos têtes. Non, il n'y a rien qui tombait, là, ça, par exemple, fait que ça allait bien, là, mais des espèces de grosses plaques de peinture que si t'avais le bras long, tu pouvais toujours t'en garder un souvenir, là, mettons. Ou des lampes un peu défraîchies, rouges, tout à fait élégantes, mais un peu trouées. Et aussi, des toiles. Il y en avait une, ça m'a pris du temps, je l'analysais beaucoup trop longtemps, là, pendant que je checkais. Crew Jacks! Tu sais, juste à côté de la scène, il y a une toile. Fait que c'est sûr que oui, ça prend un peu de mon intérêt visuel. Puis c'était comme une craque de porte avec de la lumière. C'était pas clair, mais c'était pas de l'abstrait, mais en même temps, je me disais, mais pourquoi peinturer une craque de porte? Puis en même temps, tu vois, ça me faisait réfléchir sur bien des affaires. Tandis que sur l'autre mur, celle-là, c'est beaucoup plus concret. C'est un trio de fauves, hyènes, jaguars, léopardes, punkettes. Oui, tout ça en même temps. Et ça, je l'apprécie. Je trouve vraiment que ça fit avec le reste de la salle, avec son mur de briques, petite scène en coin très basse qui crée... Ouais, disons, tu peux pas faire tant de stage dive, mais je trouve que moi, j'aime bien les scènes basses, ça crée une proximité aussi avec le public, avec des petites lumières LED un peu partout. Ah oui, puis des éclairages en cocotte de Noël, mais illuminés. Je crois que je le décris très mal. J'espère que t'as de l'imagination crowd en ce moment. Et finalement, ça, c'est ma grosse interrogation. Je sais que ça peut être une question d'époque, mais c'est pas la première fois que je spot dans une salle une boule disco qui ne sert à rien. Je dis une question d'époque, là, mais dans le fond, c'est quand je suis allée à l'Atomic Café, j'ai spoté la boule de disco qui était inutile. Puis je me demande à quel point ils s'en servent souvent ou non. Étant donné le genre musical, on dirait que on se garde une petite gêne sur la boule disco, mais qu'en même temps, leur programmation incite très peu à s'en servir. Je suis comme, mais pourquoi est-elle là? Elle ne peut pas travailler! Ah, mais quoi que ce serait toujours à utiliser, tant qu'avoir des petits éclairages LED un peu partout. Pourquoi pas la boule disco pour agrémenter ton trash? Ce sera évidemment tranquille, je dis évidemment, parce que, tu sais, un show commence, faut bien se réchauffer, là, chaque chose en son temps. Mais quand même, un bel accueil pour Crooked Jacks, groupe de Cherbourg qui existe depuis 2009. Extrait! Je dis bel accueil parce que en avant, il peut peut-être avoir une distance, mais il y a quand même de la bougeotte et un skanker solitaire. Non, on n'est pas dans le ska, mais je trouvais que le dos bien penché, peut-être futur trash old school, mais il y a pas eu de pit, fait qu'on pourra pas vraiment mentionner que sa technique sera en lien avec sa façon de danser seul. L'autre élément décoratif qui m'a encore une fois perturbé là, c'est que je checkais le spectacle, puis ben justement là, l'ambiance ça vient tranquillement, pas vite, mais il y a un jukebox que j'ai de mal prononcé, mais oui, la machine à faire de la musique avec des lumières, encore une fois pour prendre encore plus de notre intérêt visuel, qui suggère de mettre des tunes, puis vraiment elle le marque genre choisis ta toune. Mais je trouve ça bizarre que ça soit sur scène. Un jukebox, genre... Tu sais, je veux dire, il y a le band juste à côté, là. Ce serait-tu la personne la plus... la plus méchante? Ou la... Je sais pas, la personne vraiment qui a aucune conscience spatiale. Tu sais, elle réalise pas qu'elle est sur scène puis qu'il y a un band, puis décide d'aller sélectionner une chanson. Fait que, bref, je me demande l'utilité de la chose... Ben, hors spectacle, oui, là, mais hors spectacle... Ah ouais! Ça, on dirait que ça m'a amené à plein de commentaires de mauvaise foi. Imagine quelqu'un vraiment qui le fait! En tout cas, c'est bien appréciable, crowd. Tu n'auras pas été trop arrogant, tu n'auras pas été trop punk dans ta punkitude. Alors... Mais justement, je crois que tout le monde était bien poli parce qu'il y avait une crowd de proximité. On voyait que les gens se connaissaient entre eux autres, sans dire que tout le monde se connaissait non plus. Mais arrivé de quelqu'un, high five avec un des musiciens durant le set. Le volume était un peu trop fort. C'est pas le musicien qui va le descendre, c'est quelqu'un de la foule qui s'en va le descendre direct sur l'ampli. Oui, crowd de proximité parce que tu ne te gênes pas et en même temps, on te laisse la place aussi pour le faire. Un set qui aura fini assez abruptement. Je sais pas si parce qu'ils se sont mélangés dans leur tune. Il y en a une qui a été coupée sept parce qu'ils n'ont pas respecté leur setlist. Je sais pas. Mais ça finit bien carré pour Crook Jax qui par la suite était succédé par Bon Vivant. Crook Jax, j'arrête pas de le mentionner. Puis à chaque fois, je me dis « Ah, ça me donne le goût d'écouter du Crook Bangs! » Ben oui. Fait qu'on s'en va en écouter avec Baudelaire. Jamais assez de Crook Bang sur les ondes de la marge. Vous avez entendu Baudelaire qui se retrouve sur leur album 2. Et c'est toujours critique de crowd sur les ondes de la marge. Pour te jaser de Bon Vivant, mais ça fait un bout que je les avais pas vus en show. Oui, c'est pas. Je pense qu'ils font un peu moins de show ces temps-ci. Reste qu'ils ont vraiment une crowd d'irréductibles. Leurs amis, des fans qui sont toujours là, prêts au poste. Et en même temps, début de spectacle tranquille et même étonnamment petite distance avec la scène. Je dis ça parce que, inversement, il y a comme, c'était trop jump-back en arrière, fait qu'il y avait comme, manque de communication, crowd, si on était un petit peu moins gêné pour le... Je veux savoir, mon Dieu, c'était vraiment... La salle est petite, là, fait que c'est une affaire de genre 30 cm, là. Mais reste que ça faisait une différence. Un demi-mètre, mettons, à limite, mais j'irais pas à dire qu'il y avait un mètre de distance entre la foule pis la scène, mettons. Reste que ça faisait en sorte que les gens étaient moins coincés en arrière, ce qui amène pas nécessairement de l'énervement de l'ambiance, là. Plus t'es loin de la scène, d'habitude, c'est pas là que ça se passe. Je dis ça de même, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai vécu le show de Bon Vivant. Ça a été court aussi. Ils ont peut-être fait 6 chansons. Ça a été efficace, par contre. Je me suis pas dit comme, oh mon Dieu, c'est court. Je l'ai même pas ressenti. C'est plutôt quelqu'un qui me l'a confirmé. Il a dit, ils ont joué juste 6 chansons. Mais j'ai eu le sentiment que ça a fait comme un décollage, comme un plan de carte cartésien, ouais. comme en mathématiques, là, tu mets ta formule, là, puis il y a des exposants! Et avec les exposants, ça fait que c'est tranquille un bout, puis là, boum, après ça, ça décolle, puis après ça, ça dans le tapis. Puis je trouve que ça a été comme ça durant le show de Bon Vivant. Et ce qui fait aussi qu'on en garde un très bon souvenir. Tu sais, on a fini comme sur un beau high. Fait que pendant que ça a été, disons, mollo, pendant les premières chansons, il aura suffi que quelques personnes avec une chanson, tu sais, un peu plus hargneuse, aient le poing en l'air, puis ben, pas tant là, tu sais, c'était pas un show de hardcore, là, ça reste punk, mettons. Bref, le poing en l'air, mais avec de la conviction, les amis. Fait que ça en aura suffi que ça, tu sais, je te dis pas que... Oui, dans l'empilade hardcore, tu sais, ça peut avoir un effet d'entraînement, tu sais, oh, le poing en l'air. Mais là, tu sais, c'est un peu partout dans la foule, un petit poing, mais ça a quand même très rapidement amené à un trash, puis j'ai vraiment apprécié. Je sais pas non plus si c'est une question d'espace aussi, on pouvait se le permettre parce qu'en avant, il y avait l'espace pour. Je pourrais pas dire parce que la conclusion, tout en exposant sur le high, ben... La crowd sera plutôt du côté de la scène, puisque c'est un des guitaristes qui est allé mettre son micro puis chanter au parterre. Et comme je vous ai dit, bon, la scène n'est pas très haute, là, fait que ça faisait pas comme un gros décalage entre le parterre. Question distance et question hauteur. Mais proximité avec la foule, c'est sûr que ça s'est encore plus confirmé. Les gens, ils voulaient chanter dans le micro. Oui, là, ça se pousse, mais sans vouloir non plus accrocher le chanteur, fait que ça faisait une très belle fresque punk à regarder, puisqu'il était devant la foule aussi, il s'était pas mis vraiment face à la crowd, il était comme s'il était aussi faisant partie du spectacle. Et oui, c'est quand même quelque chose qu'on peut voir fréquemment dans les shows punk hardcore, tu sais, ben oui, des musiciens qui descendent dans la foule pour jouer, mais aussi c'est cet ameutement qui se fait autour des musiciens. Mais j'ai trouvé là, oui, ça fait une très belle conclusion pour leur performance. Je trouvais vraiment que ça donnait un plus. Et même le jukebox y approuvait la démarche, puisque il a dit « Let's dance » pendant que le trash est parti. Je me suis dit, ça doit être pour ça finalement qu'il garde tout le temps allumé. C'est que des fois, il est en corrélation avec ce qui se passe dans la foule. Alors, voilà. Bon Vivant, je crois que l'empilade a commencé pour la chanson Samedi, demain j'arrête de boire parce que c'est un gros hit. Non, pour de vrai, ma mémoire, si elle est bonne, c'était cette tune-là, d'où la raison qu'on s'en va l'écouter et elle se retrouve sur leur album Haute la marde que t'as dans les yeux. Bon vivant sur les ondes de CISM avec la chanson « Samedi, demain, j'arrête de boire, promesse que peut-être tu te fais crowd ». Et c'était sur l'album « Haute la marde que t'as dans les yeux ». Hey, je dis le mot « marde » et je m'excuse même pas parce que c'est un mot effectivement mal poli là, pour la radio. Hey, wow, wow. Mais je réalise à quel point c'est thématique avec ce que j'ai à te jaser, crowd. Crowd, ça fait 5 ans que j'anime Critique de Crowd et j'ai tendance jamais parlé. Je crois que parce que je fais, oui, de l'autocensure, peut-être que mon nez passe comme par-dessus, des fois, les vapes de mauvaise odeur qu'il peut avoir dans la foule de façon c'est exceptionnel. Ça peut arriver de temps en temps, des effluves d'odeurs qui peuvent sortir de ton sphincter, crowd. Et je n'en parlerai pas aujourd'hui si ce n'était pas justement d'un punk dans la salle, juste avant Capable, qui me dit « Jolène, mais sens-tu cette odeur? Et pourquoi, crowd, te permets-tu de te laisser aller ainsi dans la foule? » Je crois que la foule a le dos large. On se dit « Ah, je pourrais peut-être flatuler et personne ne va s'en rendre compte parce qu'on est nombreux. » Non, non, tu sais, tout le monde le sent, tu sais, mais personne n'assume de dire comme « OK, là, excusez-vous. Une petite politesse verbale, désolé, je m'excuse. » Et pour moi, ben justement, je pense que... je me disais « Quel sujet bas, pipi, caca, poil, on peut passer par-dessus ça dans la vie. C'est de l'humour de bas de classe, c'est des commentaires presque grivois, bla bla. » Mais reste que je me disais, premièrement, que c'est un problème plus ou moins récent. Parce que dans les bars, jadis, tu pouvais fumer, fait que ça, là, ça camouflait de l'odeur. J'avoue, je ne l'ai jamais vécu parce que non, en 1999, je n'avais pas l'âge pour sortir. Pas proche du tout, même. Mais reste que, oui, je sais que tous ceux qui auront vécu l'époque, ils vont me dire, mais Jolène, le monde fallait qu'il y ait leur kit de nightlife, déjà pour bien se griller, mais aussi parce que ça gardait l'odeur énormément, le fait d'être dans un lieu clos, ça fume. Effectivement, je te dis pas du tout que c'est une qualité, une salle qui embaume le tabac, non plus. Reste que un club mal aéré et des gens qui dansent toute une soirée, ça a beau ne pas laisser aller de gaz, mais ça peut aussi sentir le swing, tu sais. Fait que c'est vrai que ça peut avoir un certain désagrément pour ta soirée de te dire comme « Hey, le show était bon, mais c'était olfactivement peu agréable. » Et ça m'a fait rappeler, c'est drôle, mais Mise en demeure, groupe qui n'existe plus, mais que oui, était trash dans leur attitude et dans leurs propos politiques. C'est le trash de ma vie qui sentait le meilleur. Je vous le dis, il y avait une fille qui s'était parfumée à vanille et ça a eu un incident sur mon appréciation du spectacle. Tu sais, comme le monde trash, puis après ça, t'es comme, mais mon Dieu, ça sent bien bon. Tu sais, ça allégeait la démarche. Tu sais, c'est genre, va, t'envoies promener des politiciens, mais ça sent la vanille. Tu sais, il y a quelque chose de... Ça amène quasiment un aspect ludique à la chose, même si oui, Mise en demeure était à la fois très drôle. Ça agrémentait et je me dis, mais pourquoi les salles de spectacle ne sont pas aromatisées? Là, vous allez me dire, Jolène, je sais, là, en ce moment, tu me parles beaucoup. Là. Oui, en même temps, tu me parles pas pour de vrai, je le sais. Mais reste que, oui, je sais, aromatisé, c'est pas le bon mot, parce que c'est pour dire goûter. Là, chaque étape en son temps, là, parce qu'il y a une salle à manger, ça, oui, concrètement, ça existe, mais que tu puisses manger des petits bouts, genre manger des bouts d'esco ou des bouts d'acrobore, c'est pas encore à venir. Là. Mais qui pourrait tout simplement sentir bon. Peut-être pas parfumé, parce que le parfum, il y a bien du monde qui sont allergiques, puis on voudrait pas que les gens soient incommodés et puissent pas aller à une salle parce que, ils finissent avec l'urticaire, tu sais. Mais ouais, l'agencement musical odeur, je trouve que c'est zéro utilisé ou à peine, là. Mais il semble que j'ai vu un spectacle qu'une fille mettait de l'encens sur scène, mais c'est durant King Woman. Je sais pas si c'était volontaire. Ça m'échappe. Mais je trouve qu'il y a un potentiel en étant en harmonie, mais aussi pour créer des oppositions comme Mise en demeure avec la vanille, mais il pourrait avoir... Ah oui! Je trouve que c'est un sens qui est sous-utilisé puis qui pourrait avoir tellement suscité l'imaginaire pendant un spectacle ou tout simplement l'agrémenter pour pas qu'on sente ton pet. Fait que ce sera le point pour... pour... pour mon merveilleux micro sur les flatulences en spectacle. Ce sera dit, on a parlé de choses importantes sur les ondes de CISM. Alors sur ce, ben écoute, je voulais, comme d'habitude, faire thématique. Et dans le système de toutes les chansons qui se retrouvent dans la discothèque de CISM, ben écoute, le GCR, il retient pas les accents. Fait que là, je voulais mettre pété, puis ça donnait tout le temps Peter. Puis là, je trouvais que c'était pas trop en son honneur, tu sais, de faire comme un lien avec. Fait que je vais tout simplement pas en faire et tout de suite vous mettre du capable parce que, hein, c'était pas une petite odeur qui fera la différence. Sur un très bon spectacle, on s'en va écouter Béquille sur leur nouveau EP Hot Dog Chicken. Capable sur les zones de la marge. Vous avez entendu Béquille et j'ai beaucoup hésité sur quelle chanson vous mettre. Je crois que j'ai choisi celle-là pour une des toutes premières paroles qui dit « J'ai déjà couché avec des filles, déjà couché avec des gars » et ça me rappelait la chanson de Bonne Journée qui s'appelait 25% gay. J'adore le fait que c'est aussi, aussi simplement assumer le fait d'avoir, une bisexualité ou disons pansexualité, mais le terme que tu veux, mais d'aller sur des sujets peut-être moins communs dans les paroles de chansons. Fait que moi, elle me touche drette à partant. Oui! Et quand je parle de Bonne Journée, c'est pas pour rien, parce qu'il y a un des membres de Bonne Journée dans Capable. Ça réunit des membres des Sprats, de l'équipe, de Déjà Vu. Ah oui, ça réunit bien du punk rocker. Et ils sont assez productifs aussi, Capable. Et on leur donnait un peu, il date pas genre de mai 2017. Ça, c'est l'année dernière. Là. Ça date pas tant. Là. Il y a déjà un nouveau 25 janvier. Et je trouve ça... j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que leur premier EP qui s'appelle un peu emo, un peu crush, je trouve que ça se retrouve toujours dans les chansons. Des fois, il y a une petite parole, on la retrouve dans une chanson complète plus tard. Pour moi, tout est dans tout en écoutant du Capable. Une sincérité, une authenticité, tu sais, de juste être direct dans le propos. Je trouve aussi que dans la crowd, ça se retrouve, mais surtout de la façon que le chanteur va avoir à parler avec la crowd. Tu sais, des fois, je trouve que... Oui, j'aime ça quand c'est bonne franquette, puis t'auras compris que petite salle, le monde se connaisse pas mal, oui, c'est bonne franquette. Des fois, on veut faire peut-être un peu gras, tu sais, où on est un peu trop chummy-friendly, fait que ceux qui te connaissent pas, ça fait un peu genre je suis pas dans l'inside. Tandis que là, non, je trouve que il était... On dirait que j'hésite à en parler parce que le mot authentique, ça me semble, c'est galvaudé. Mais j'ai envie de dire, ce spectacle était tout à fait authentique. Alors, alors prends-le comme tu veux, crowd. Mais oui, un bon spectacle. Puis oui, le trash, là, il va être présent. J'allais dire avec intermittence, là, mais il est assez présent tout le long du spectacle. Là. Deux, trois énervés qui, tout le long, vont se pogner. Au début, ils se pognaient vraiment plus par le collet, là, pas à se tirer tout le linge, là, mais ouais, aller ramasser ton ami pour mieux le repousser après. Ça va être pas mal ça, la technique, qui peut avoir l'air quand même plus violente. Et qui engage pas beaucoup de personnes non plus dans le pit. Comme je te dis, ça a été souvent 3, 4, 5 personnes. Fait que des fois, tu sais pas trop, tu y vas-tu, tu y vas pas. Serais-je l'inconnu du pit? Tu sais, quand c'est juste des amis, justement, tu fais comme, ah, mais semble que vont-tu vouloir me pousser? Je fais-tu partie du jeu, les amis? Bonjour, faut-tu que je me présente? Tandis que là, c'est ouais, vraiment des ramassés que... Pas que tu pourrais pas le faire avec un inconnu, mais oui, je pense que tu peux être quand même plus agressif dans ton mouvement en sachant que la personne que tu pousses, tu la connais puis tu l'aimes. Parce que ça peut pas être mal interprété non plus. Puis en même temps, c'est drôle, parce que comme genre de trash, tu sais, qui a une certaine violence, puis aussi c'est dû à l'espace, parce que vu qu'il y a beaucoup d'espace libre, tu peux avoir plus de risques de tomber. Mais le fait de ramasser un peu le monde, ça m'a rappelé jadis. Quand mon père m'avait décrit un trash, j'avais 12 ans, genre, puis j'en avais comme vraiment vu un dans ma vie, là, fait qu'il m'avait dit « Ah oui, ça, c'est une danse de punk! » Et le but, c'est genre de pogner quelqu'un comme si c'était un bouc émissaire, puis de « Ah, le pousser! » Puis c'était vraiment agressif de la façon qu'il me l'avait décrit. Visiblement, papa, tu n'avais jamais vécu de trash, là, c'est correct, à cette heure. Ma description est plus élaborée. La preuve, je t'en parle à chaque semaine sur les ondes de CISM, mais étrangement, je trouvais qu'il y avait quand même des points en commun avec ça, le fait de un peu se servir d'une personne pour donner des élans dans le trash, tandis que souvent, ça va être plus de donner des coups de bras un peu partout, pousser, tandis que là, il y avait plus un rapport physique un à un qui pourrait se rapprocher de la description que j'ai eue jadis et qui m'a forgé en tant que mélomane. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, ça ressuscitait un souvenir. Peut-être que ça fait un peu old school aussi comme forme de trash. Ce serait dur à dire. Et oui, j'arrêtais pas de regarder le trash de loin. Je me disais, j'embarque-tu, j'embarque pas. Parce que genre, tu sais, comme quand t'as un petit haut le cœur, puis ça te reste pogné en dedans, puis là, t'es comme... J'ai l'impression que de plus en plus, j'ai besoin d'être 100% en santé, 100% comme, je suis en forme, puis hydratée pour me lancer dans le pit, parce que autrement j'ai peur que malheur m'arrive. Mais je crée bien que je vais pas toujours me casser tous les membres, là. À date, c'est juste mon nez. Puis oui, ça aurait été amusant, comme trash. Je m'excuse. Je crois que j'ai un peu abusé de la technique un peu lutteur sur le ring. Ça veut dire de pousser comme les gens qui entourent le pit. D'habitude, tu veux avoir la paix, je le sais. Mais quand t'es pas super en forme, ça te permet d'avoir la poussée des gens de la crowd qui veulent rien savoir. Fait que, tu sais, ça redouble de force. C'est une technique. Je dis pas qu'elle est appréciable, mais elle a quand même son effet. Des fois, ça peut amener d'autres personnes aussi à s'intégrer dans le pit. Pas tant cette fois-ci, mais en même temps... mais en même temps, je pense que je suis pas trop lourde. Ça a pas dû être trop désagréable. Mais ouais, là-dessus, quand même bien sympathique. Et je crois aussi que Ben va l'avoir apprécié parce qu'ils nous ont dit, et là, en comparatif tout à fait régional, ils nous ont dit « On se croirait à Québec! » Ça m'a fait quand même rire parce que oui, j'ai appris aussi ce soir-là que trop... Mon Dieu, j'allais dire Trois-Rivières. Hey boy, le lapsus. Mais paraît-il, ouais, que Montréal, des fois, on est un peu plate. On en voit trop de spectacles, fait que des fois, on se donne pas assez. Mais bien heureusement, cette fois-là, ça n'aura pas été le cas. Je pense à Québec, puis justement, le groupe Saccage que j'ai parlé en début d'émission, ils ont une chanson qui est tout à fait inspirante quand tu as envie de foncer dans le pit, c'est « Crisse-toi dans le pit, saccage! » Puis c'est « Crisse-toi dans le pit pour Satan! » Yeah. sa cage. Et hey, puis vous avez aussi entendu du mon oncle Serge Anonymous plus Barf. Je crois que Métallu, tu as les oreilles bien assouvies avec Critique de Crowd. Et oui, sa cage, toujours bien inspirant. Pour le pit, qui, oui, était amusant, mais jamais aussi marquant que les ballons de plage immenses qui ont été lancés dans la foule. C'est la première fois que j'entends un band demander de crever des ballons parce que la serveuse allait pogner d'air, c'est clair. Elle regardait dans un air comme ça va-tu finir leur ballon? Il était tellement gros, c'était dur de se les relancer. J'avais l'impression de vivre un combat de sumo plus que l'aspect ludique de se lancer des ballons comme si j'étais à Chicago. Ouais, ça s'est pas tant passé, mais j'ai aimé toute la démarche. Autant les lancer, autant réaliser que c'était plus ou moins un bon projet, quoique moi je l'ai beaucoup apprécié, et de finalement crever les ballons. J'ai l'impression qu'on a vécu quasiment un rituel en crowd. Un très beau moment, peut-être aussi pour souligner le dernier spectacle du drummer avec le Ben. Alors, peut-être de l'émotion parmi les punks, mais aussi beaucoup de confessions. Quand je dis authenticité, j'apprécie qu'on parle du fait qu'on arrête de boire. Puis, ouais, je trouve déjà que les paroles sont en lien avec ça, mais authenticité, je le répète, parce que c'est le mot qui va avoir marqué pour moi le spectacle de Capable. Des gens qui aiment de bon cœur encore le punk rock, peu importe le nombre de gens qu'il y a dans la foule, mais aussi ta façon d'être sur scène. Tout ça allait bien ensemble. Et pour toi, Ballon, je te rends hommage avec le band Volleyball de plage. Ben oui, le band de Hugo Boursier. Sur ça, je vous dis à la semaine prochaine, crowd. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et pour toute suggestion, les internets. Ben oui, c'est pratique pour ça. Et on se dit bye-bye. Présenté par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Vous aimeriez gagner des billets pour plein d'événements avec le calendrier culturel ou qu'en quoi, c'est simple et possible. Que vous soyez amateur de théâtre, de cinéma, de musique, de shows d'humour ou de danse, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Visitez ouquenquoi.ca et la page Facebook de ouquenquoi pour avoir la chance de gagner des billets de spectacle et des prix en argent. Ne manquez pas la programmation du Centre Phi pour Montréal en lumière. Le 1er mars, Colin Stuff fera une prestation audiovisuelle suivie célébrer le 2 mars de Kayson qui fera son lancement d'album. Le 3 mars, le Centre Phi propose Contraste, événement gratuit avec performance musicale par le duo de house Wolf and Lamb, avec aussi de fitness et pony, installation artistique par Atelier New Regime et beaucoup plus. Tout ça dans le cadre de la Nuit Blanche au Centre Phi jusqu'à 3 heures du matin. Billets et infos au centrephi.com. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Diplômés, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez cepsum.umontréal.ca pour tous les détails et inscrivez-vous dès maintenant. Ne manquez pas Soons en spectacle le 9 mars prochain au National. Le nouvel album Felt, disponible partout le 2 mars.